Ouais. Des VK, des connexions. Hey, ciao. Je mets les voiles. Ouais. C'est les vacances, mais j'ai du taf, du coup je m'évade. Avec un spiff en bouche, j'ai des rêves plein la tête. Mais je me sens vide, tout comme ma ville en août. Sur un coup de tête, je fais mes valises. Mais je suis un sacré zinz, j'ai commencé la semaine dernière. Je vais les planter avec un aller simple. Je suis genre de mec, d'abord qu'agir, puis qui pense. Je préfère me rendre au bord de l'eau plutôt que me rendre à l'évidence. Pas besoin de valise, car au final, un sac à dos fera le taf. J'ai mieux que j'ai plus de batterie. Et puis je vous crie un ciao, bye bye. J'ai pris cette décision influencée par les stories de mes potes. J'espère que mon médecin me fera un arrêt pour un motif très propre avant que le temps se couvre. Il est grand temps de filer en. Car mon banquier c'est un taureau, il me rentre dedans chaque fois que je suis dans le rouge. Oui bonjour monsieur, ici monsieur, votre conseiller bancaire. Je vous appelle car ça fait plusieurs fois qu'on essaie de vous joindre suite aux situations inquiétantes de vos comptes. Mais vous ne répondez pas, merci de me rappeler. Déconnexion, dorénavant je me charge de rien. Si c'est urgent, mais dis-toi bien, c'est pas demain que je reviens. Pour atteindre le bonheur, faut au moins que je fasse le plein. Allez viens, on va se mettre bien, j'ai besoin d'espace, de plage, de sable fin. Déconnexion, dorénavant je me charge de rien. Mais dis-toi bien, c'est pas demain que je reviens. J'ai des grâces, pas de dingue. Ça sert à rien, lâche-moi le train. Pour une fois que j'ai le bon rôle, tu me trouveras pas avant le clap de fin. Dès lors que je me lève, je bois des cocktails face à des corps de rêve. L'un de mon patron qui voudrait voir ma tête au bout d'une cordelette. Que je le prévienne ou pas, ça sera la même, gros. On en reparle la semaine, pro. Il doit taper du pied tel du flamenco. J'ai trop teasé cet après, mais je m'en palais. En ce jour, c'est la fête, j'ai pas besoin de Felindra. Mais juste d'alcool pour me retourner la tête. Tu sens le flow, je me sens chaud. J'ai besoin de mes Sancho. Qu'on sortit la guitare qui se moque derrière, même si je chante faux. C'est bon de mettre les voiles dans mon cerveau. Un tas de rêves se déploie, les yeux levés au ciel. Je me sens tout petit sous cette nuit pleine d'étoiles. Loupé cet instant aurait été un regret pour la vie. Moi qui rêvais de changer le monde avec mes potes, je les refais toute la connexion. Dorénavant, je me charge de rien. Si c'est urgent, mais dis-toi bien, c'est pas demain que je reviens.